Chapitre 23e. Le sentier de Camberley moins la boue. Fanny Clavering, au moment où elle se préoccupait des chagrins de son frère, n'était pas elle-même exempte de soucis. Depuis plusieurs jours, elle s'était aperçue que l'amour de M. Saul n'était pas une chose du passé. Je ne saurais dire si cette pensée la rendait vraiment malheureuse, ou si, dans le cas contraire, elle n'aurait pas éprouvé une certaine tristesse, une certaine mélancolie silencieuse. Mais sans aucun doute, M. Saul troublait la paix de son âme, et l'amour de M. Saul réveillé allait devenir plus embarrassant que son amour assoupi. Ce serait folie de sa part ou de la mienne, s'était-elle dit souvent, en pensant à ce mariage. Il n'a rien au monde. Mais à cette époque, elle ne songeait plus à son air gauche, à ses vêtements râpés, à ses distractions fréquentes, et la manière dont il remplissait ses devoirs de clergyman lui inspirait une profonde admiration. Sa mère s'apercevait de tout cela et mettait sa fille en garde contre ce sentiment. Mais le ton réservé de Fanny trompait sa mère. « Oh !» lui disait-elle alors, « je sais très bien qu'un tel mariage est impossible, et je suis bien sûr qu'il n'y pense plus lui-même. » Quand elle avait dit cela, sa mère croyait que tout était dit. Ce n'est pas que Fanny cherchât à la tromper. Au moment où elle s'était ainsi exprimée, elle pouvait croire que l'amour de M. Saul était une chose du passé, et elle avait parlé en toute sincérité. On se rappelle que Florence Burton avait conseillé à M. Saul de lui faire une seconde tentative, et M. Saul avait résolu de la faire, et s'il échouait, de quitter Clavering et de chercher une autre demeure. C'était un homme grave, sérieux et réfléchi. Pour lui, une affaire de ce genre était une phase décisive dans sa vie, une affaire qui lui causait beaucoup de soucis, beaucoup de tribulations même, mais en même temps était pour lui un délicieux tourment. Chaque jour, il continuait de remplir sa tâche et voyait Fanny presque tous les jours. Jamais pourtant il ne lui dit un mot de son amour, à partir du jour où il avait si franchement fait sa déclaration dans le sentier boueux de Camberley. Il n'en avait parlé depuis qu'à Florence Burton, et celle-ci avait bien gardé son secret, mais malgré cela, Fanny n'en était pas moins sérieusement préoccupée. M. Saul avait résolu de faire une seconde tentative. Mais c'était un homme qui avait l'habitude de ne se presser en rien. Il réfléchit longtemps avant de faire ses démarches, se demandant parfois s'il ne ferait pas mieux de parler au père de Fanny, et d'autres fois s'il ne ferait pas bien d'appeler à son aide Mrs. Clavering. Il finit par se décider à ne compter que sur ses propres efforts. Quant au recteur, si sa démarche était une faute à ses yeux, la faute était déjà commise. Mais M. Saul n'avouait pas que ce fût une faute. Comme gentleman, il se croyait le droit de demander la main de toute jeune fille avec qui il se trouvait en rapport. Jamais il ne songea à se mettre au niveau des gens plus riches ou plus haut placés que lui, mais il ne se croyait en rien leur inférieur. Si une femme lui donnait à entendre qu'elle avait pour lui quelque estime, il avait, pensait-il, le droit d'offrir son cœur à cette femme. S'il échouait, ce serait un malheur et un coup qui lui serait sensible. Quant à la mère de Fanny, tout en appréciant sa bienveillance pour tous ceux qui l'entouraient, sa conduite exemplaire envers son mari, sa sollicitude pour les pauvres de la paroisse et sa bonté réelle, il lui répugnait de la faire contribuer au succès de sa cause. M. Saul n'était pas un chevalier. Il n'y avait rien de chevaleresque dans sa personne. Ce n'était qu'un pauvre vicaire aux habits râpés et aux manières assez étranges. Néanmoins, il sentait qu'il devait gagner le prix par ses propres efforts et que son triomphe ne serait pas à moitié aussi glorieux s'il ne le devait pas à sa seule vaillance. Il était incapable de l'acheter. Quand il le fallait, il savait parler avec une virile énergie, parfois même avec une mâle dignité qui n'était pas sans grâce. Comment Fanny devina-t-elle ce qui se préparait? Le fait est qu'elle le pressentit, bien qu'il ne lui eût pas parlé d'autre chose que des affaires de la paroisse. Il était souvent avec elle dans les deux écoles. Souvent, il revenait avec elle durant les tièdes soirées de printemps par le sentier qui conduisait de Camberley Green au presbytère. Souvent aussi, il additionnait avec elle le produit des quêtes de charité et les petites sommes données par les parents qui pouvaient payer les frais d'école. Jamais il n'était revenu sur l'autre sujet. Cependant, Fanny le sentait venir, et en interrogeant son frère sur ses ennuis, elle ne pouvait s'empêcher de songer aussi au sien propre. On était alors dans le milieu de mai, et le printemps faisait place aux chaleurs hâtives d'un été précoce. Le sentier de Cumberland Green était plus beau, et Fanny pouvait se rendre du presbytère à l'école sans exposer ses robes aux flaques d'eau et à la boue du chemin. Un soir, comme elle finissait son ouvrage, elle vit point dans la tête de M. Saul à la porte de la salle d'école. Il lui demanda s'il allait retourner à la maison. Rien qu'à voir ses yeux et à entendre sa voix, elle devina ce qui se préparait. Elle n'avait pas d'autre réponse à faire et ne pouvait que répéter la première. Elle s'était toujours dit que ce mariage était impossible, et quant aux questions de sentiments et autres, elle les avait tout simplement écartées de son esprit. La chose étant impossible, il ne fallait plus y penser. Maintenant, le moment était venu de se promener, et elle se prit à souhaiter que ses résolutions fussent plus nettement arrêtées. « Oui, Monsieur Saul, » dit-elle, « je viens de finir. Je vous accompagnerai, si vous me le permettez. » Fanny fit alors quelques observations très sérieuses à deux ou trois jeunes filles pour les convaincre, elle, M. Saul et elle-même, qu'elle était tout à fait calme. Elle resta quelques minutes dans la salle d'école et prit un air très grave et très dégagé en même temps. « Je suis tout à fait prête maintenant, Monsieur Saul, » dit-elle, en s'avançant derrière lui sur le sentier bordé de gazon vert. Ils marchèrent quelque temps en silence, puis il lui demanda des nouvelles de Florence Burton. Fanny lui dit qu'elle avait reçu une lettre d'elle depuis 2 jours et que Florence allait bien. « Elle me plaisait beaucoup, » reprit-il. « Et à nous tous aussi, elle doit revenir ici en automne. Ainsi, il ne se passera pas longtemps avant que vous la revoyiez. Je ne vois pas trop comment cela sera possible, mais il suffit que vous la voyiez. Mais nous la verrons tous, je l'espère. C'est ici, dans ce sentier, que je l'ai vue pour la dernière fois et que je lui ai fait mes adieux. Elle ne vous avait donc pas appris que je lui avais dit un adieu définitif à cette époque. Mais non, autant que je puisse m'en souvenir. Ah, vous vous en souviendriez bien si elle vous l'avait dit. Mais elle a bien fait de ne pas vous en parler. Fanny éprouvait déjà quelque embarras et ne voyait pas bien où il voulait en venir. M. Saul continua de marcher à côté d'elle sans rien dire de quelques instants. Puis il revint sur ses adieux à Florence. Je lui ai demandé un conseil dans cette occasion, et elle me l'a donné d'une façon fort nette et fort claire. Voilà ce que j'aime. Au moins on sait que l'on obtient une réponse franche et sincère, lors même qu'il s'agit d'un refus, ou qu'on laisse votre question absolument sans réponse. Florence Burton s'exprime toujours avec la plus grande clarté. Je lui ai demandé si elle pensait que je puisse espérer une réponse plus favorable, au cas où je renouvellerais mes instances auprès de vous. Elle n'a pas pu vous dire que oui, M. Saul. Assurément, elle ne vous a pas dit oui. Elle ne m'a pas dit oui. Elle m'a simplement conseillé de vous le demander à vous-même. Elle a eu raison. Dans une telle affaire, vous êtes la seule personne à qui je puisse convenablement m'adresser. C'est pourquoi je vous fais cette question. Puis-je nourrir quelque espérance ? Sa voix était si solennelle et sa figure avait pris une expression si sérieuse que Fanny ne put répondre immédiatement. La réponse à laquelle elle songeait était en réalité celle-ci. « Comment pourriez-vous me demander d'épouser un homme qui n'a que 70 livres par an quand moi je ne possède rien du tout ?» Mais il y avait dans toute son attitude quelque chose de presque imposant à force de sérieux et qui ne lui permettait pas de répondre sur ce ton-là. Quant à lui, après avoir fait sa question, il attendait la réponse et elle sentait très bien que plus elle différait, plus elle sentait le terrain lui glisser sous les pieds. « C'est tout à fait impossible, » dit-elle enfin. S'il en est réellement ainsi, si vous me faites la même réponse, après m'avoir écouté jusqu'au bout, je n'insisterai plus. Je m'éloignerai de vous et je quitterai Clavering. Oh, Monsieur Saul, n'en faites rien. Je vous en prie pour mon père et pour l'intérêt de la paroisse. Je ferai bien des choses pour votre père et quant à la paroisse, je l'aime tendrement. Je ne crois pas que vous puissiez comprendre combien je l'aime. Il me semble qu'aucune autre paroisse puisse m'inspirer la même tendresse. Les maisons, les champs, les sentiers, tout m'est cher. C'est comme un premier amour. Certaines personnes vous inspirent un amour si vif qu'on ne peut plus rien aimer après elles. » Ces derniers mots contenaient une insinuation qu'il désirait vivement lui faire comprendre. « Je ne vois pas, » reprit-elle, « pourquoi vous quitteriez Clavering. Si vous saviez l'étendue de mon respect pour vous, vous comprendriez pourquoi cela doit être. Je ne dis pas qu'il est une nécessité absolue. Si j'étais fort, mon départ ne serait pas nécessaire, mais je suis faible, faible sur ce point. Et je ne pourrais maîtriser assez mes sentiments, ni conserver la liberté d'esprit nécessaire pour remplir ma tâche. » Quand il avait parlé de son amour pour la paroisse, son langage avait un accent passionné. Mais maintenant qu'il parlait de lui-même et de son amour, Il était calme, raisonnable et tranquille, et parlait de la quitter comme il parlait de changer d'air pour sa santé. Elle le sentait et était presque tentée de lui en vouloir. « Sans doute, » répondit-elle, « vous savez mieux que personne ce que vous avez à faire. Oui, je sais ce que j'ai à faire dans une telle éventualité. Ma résolution est prise. Je ne puis rester à Clavering s'il ne m'est pas permis d'espérer que vous serez un jour ma femme. Mais, monsieur Saul, eh bien, j'écoute. Mais avant de parler, rappelez-vous que vos paroles auront pour moi une suprême importance. » Non, elles ne sauraient avoir une telle importance. Elles en auraient une décisive sur mon bonheur et mon repos dans ce monde. Sans doute, vous ne pouvez me faire souffrir ailleurs qu'ici-bas. Pourtant, vous pourriez m'aider à atteindre le bonheur d'une autre vie, et je pourrais moi aussi vous y aider. Mais monsieur Saul, reprit-elle, sentant qu'il fallait continuer et se rabattant sur des prétextes qui n'étaient que des lieux communs. Les gens ne peuvent pas se marier sans revenu, et monsieur Fielding n'y a jamais songé avant d'avoir un revenu assuré. Mais, indépendamment de cela, puis-je espérer ? Elle lui lança un regard à la dérobée et s'aperçut que ses yeux brillaient d'un éclat extraordinaire. « Quelle réponse de plus voulez-vous ? Cette raison ne suffit-elle pas pour couper court à toute discussion ? Non, Miss Clavering, non, elle ne suffit pas. Si vous me disiez que vous ne pourrez jamais avoir de l'amour pour moi, personnellement, ce serait une raison pour me désister tout à fait, pour renoncer à tout espoir et m'éloigner de Clavering. Aucune autre raison ne saurait me suffire. Ma pauvreté ne pourrait pas me faire repousser si vous m'aimiez. Si vous aviez pour moi quelque amour, mon avis est que vous devriez me le dire, quelque pauvre que je fusse. Je ne vous en prise pas moins, parce que vous êtes pauvre. Mais est-ce que vous ne m'aimez pas du tout ? Pouvez-vous en venir à concevoir pour moi de l'amour ? Feriez-vous un effort pour m'aimer si j'avais le revenu que vous croyez nécessaire ? Si j'étais riche, pourriez-vous en arriver à me trouver plus aimable que toute autre personne au monde ? Je vous prie de répondre à ces questions, et si vous répondez affirmativement, je ne perdrai pas tout espoir, et je resterai à Clavering. » Pendant qu'ils parlaient, ils arrivèrent à un détour du sentier et se trouvèrent en vue de la porte du presbytère. Fanny savait qu'elle allait le laisser là et entrer seule, mais elle comprenait bien qu'il lui fallait faire une réponse quelconque avant de pouvoir lui échapper. Elle ne voulait pas affecter une complète indifférence à son égard, et encore moins lui dire qu'il pouvait espérer. Il était impossible que son père approuvât un pareil engagement, et elle ne pouvait croire qu'elle en vint jamais à se contenter d'un amoureux comme ce Saul. En recevant sa première déclaration, elle avait presque été tentée d'en rire, mais à présent il y avait dans sa démarche un côté presque risible, et pourtant, il y avait aussi un côté qu'elle trouvait presque sublime. Cet homme était honnête, bon et sincère. Elle ne pouvait se résoudre à lui dire un mot qui l'eût éloigné pour toujours d'un lieu qu'il aimait tant. « Si vous connaissiez assez vos propres dispositions pour me répondre, continua-t-il, vous devriez le faire. »« Vous feriez mieux, monsieur Saul, de ne plus penser à cela du tout. »« Non, Miss Clavering, je ne ferai pas mieux pour moi, certainement, car cela prouverait que je n'ai pas de cœur. Or, j'ai du cœur, je vous aime tendrement. »« Je ne dirai pas que je ne saurais vivre sans vous, mais ma plus chère espérance dans ce monde est de vous voir un jour ma femme. »« Peut-être suis-je trop prompt à espérer. »« Mais à coup sûr, si vous vouliez m'interdire tout espoir, vous auriez trouvé des mots pour me le dire à présent. » En ce moment, ils étaient arrivés à la porte du jardin, et il s'arrêta en la voyant poser sa main tremblante sur le loquet. « Je ne puis pas vous en dire davantage aujourd'hui, » répondit-elle. « Eh bien, soit, mais je vous le déclare. Je ne quitterai pas cet endroit avant que vous ne m'en ayez dit davantage, et je vous dirai toute ma pensée, dût-elle vous offenser. J'ai plus d'espérance à présent qu'auparavant. » Dans quelques jours, je vous demanderai de nouveau, si vous me permettez de parler de cette affaire à votre père. Maintenant, je vous quitte. Que Dieu vous bénisse. Rappelez-vous que tout mon bonheur sur la terre dépend de vous. » Puis il se dirigea vers sa propre demeure, et elle entra seule dans le jardin. Que devait-elle faire maintenant et quelle conduite tenir ? Elle serait allée aussitôt trouver sa mère si elle avait su exactement quel langage elle tiendrait. Quand sa mère lui demanderait ce qu'elle pensait de M. Saul, que devrait-elle répondre ? Elle ne pouvait lui dire qu'elle aimait M. Saul, et pourtant, si elle ne l'aimait pas, si c'était chose impossible, pourquoi ne le lui avait-elle pas dit ? En tout cas, elle avait cessé de trouver M. Saul ridicule, de le regarder comme un homme qui n'avait pas le droit d'aimer une jeune fille. Elle lui reconnaissait pleinement ce droit que lui donnait son honnêteté sincère, son courage et son caractère résolu. Elle ne pouvait se convaincre qu'il lui fût impossible à elle, de ce côté, d'en venir à l'aimer. Elle se rendit dans sa chambre à coucher, inquiète et l'esprit troublé. Elle ne pouvait, sans se rendre malheureuse, cacher longtemps cette affaire à sa mère. Mais après tout, cela n'avancerait pas de beaucoup les choses. Et puis, en supposant qu'elle l'aimât, comment pouvait-elle épouser un vicaire qui n'avait que 70 livres par an ?